À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le rassemblement anti-américain des organisations sociales de Corée et l'exposition de photos dénonçant les crimes des troupiers américains ont eu lieu le 25 courant à la Maison de la Culture Cholima à Pyongyang. Y ont pris part les cadres responsables et les membres de diverses organisations comme le Comité national coréen pour la paix, le Comité coréen de solidarité avec les peuples du monde, le Comité coréen pour la solidarité Asie-Afrique, l'Association des juristes démocratiques coréens et l'Association des médecins coréens contre la guerre et pour la paix, les citadins de Pyongyang et les hôtes d'honneur. Au rassemblement anti-américain, on a lu la lettre ouverte des participants à la conférence conjointe du gouvernement et des organisations politiques et sociales de la République populaire démocratique de Corée adressée le 10 dernier aux États-Unis, suivie des interventions. Au terme du meeting, les participants ont vu les photos montrant les meurtres et crimes perpétrés par les GIs pendant la dernière guerre de Corée et plus tard en Corée du Sud.